moi tu te sens. Dans le vide, un grand sourire se descend. Il est bizarre, il a le regard menaçant. Deux gadjo, ils viennent passer en 900. Que je suis flagadji, tout en fluorescent. T'es sous whisky, dès qu'on t'en redescend. Ça veut être un dur, faut un gamin stressant. Un APS, c'est ma fille, tu le ressens. Ah ouais, je me sens de la charge, ah ouais. Ça va partir en cacahuète. Je vais bientôt serrer comme cahuète. Tu me fais trop ton voyou, ah. Elle est venue me voir. Direct, j'ai pris à boire. Toi, tu avais rien à voir. C'est juste, tu vis, ouais, d'un soir. Ah ouais. Lé, lé, lé, lé, lé. Ah ouais. Lé, lé, lé, lé, lé. Ah ouais. Lé, lé, lé, lé, lé. Ah ouais. Lé, lé, lé, lé, lé. Oh la chica, ça fait quoi, vous venez? On a la suite du champagne en peignoir. Mange ta coco, je me mets rien dans le nez. En plus de ça, c'est un délire tout rainé. Moi, vous plein les doigts. Nique sa rage, j'ai pas confiance en toi. En URH, petite tranche de foie gras. L'avocat et la rage, ça me donne la voix grave. Ah ouais, je me sens de la charge, ah ouais. Ça va partir en cacahuète. Je vais bientôt serrer comme cahuète. Tu me fais trop ton voyou, ah. Elle est venue me voir. Direct, j'ai pris à boire. Toi, tu avais rien à voir. C'est juste, tu vis, ouais, d'un soir. Soir. Elle est venue me voir. Tu es déprimée.